Ainsi se termine cette deuxième nuit spéciale Chesterton, et elle se termine par la fin du feuilleton. Jean-François Merle, donc, vous êtes venu nous parler en début de nuit des enquêtes du père Brown, qui n'est pas évidemment dans le nommé jeudi, mais finalement, comme Chesterton et dans tous les personnages finalement de ses nouvelles, de ses romans, de ses pièces peut-être, en tout cas si ce n'est lui, c'est son imagination d'enfant mais écrivant adulte, c'est sa passion pour les histoires fantastiques, pour les fées. Il est partout et vous étiez à écouter le nommé jeudi, vous replonger régulièrement dans les enquêtes du père Brown et dans tout ce qui est chestertonien ? Régulièrement, non, mais autrement, oui. Quand j'ai l'occasion... C'est du paradoxe quand... chestertonien. Expliquez-moi. C'est-à-dire que je ne mets pas un point d'honneur, si je puis dire, à relire tous les 6 mois l'enquête des père Brown, mais de temps en temps, ma main tombe sur le livre et je relis par plaisir une ou deux nouvelles, mais aussi, je peux tomber aussi dans une librairie sur un livre que je ne connais pas du père Brown, de Chesterton, et l'acheter à ce moment-là. C'est comme ça que j'ai découvert quelques livres. Enfin, vraiment, c'est Chesterton, il a tellement écrit des choses différentes et délicieuses je relis de temps en temps. Et le père Brown et l'autre. Vous avez pu repérer une recette dans les aventures du père Brown ? Je dirais volontiers que sa recette, c'est de ne pas en avoir, mais ce serait trop facile. Il y a une recette de Chesterton qui n'est pas forcément une recette du père Brown. La recette de Chesterton, c'est de nous planter un décor et donc un mystère toujours abracadabrant, a priori très compliqué, a priori insoluble ou bizarre ou étrange ou fantastique, de nous présenter le père Brown, arrive le père Brown, qui, avec 2-3 coq à l'âne, 2-3 incohérences, etc., nous surprend. Et ensuite, la très grande simplicité de la résolution de l'énigme, où on se rend compte que les incohérences du père Brown, en réalité, n'en étaient pas, et qu'il était le seul à avoir compris ce qui se passait. C'est sombre et l'on est aveuglé, voilà, en fait. Bien. Exactement. Eh bien, merci Jean-François Merle. Ainsi se termine cette deuxième nuit spéciale Chesterton. Alors très rapidement, donc, les enquêtes du père Brown chez Omnibus, le paradoxe ambulant, 59 essais chez Actes Sud, le poète et les fous, ça c'est chez Biblio en livre de poche, la chose, pourquoi je suis catholique, orthodoxie et hérétique, c'est chez Climat Flammarion. On en oublie peut-être, l'homme à la clé d'or, ça c'est chez Les Belles Lettres, c'est les mémoires de Chesterton, et la biographie, elle est signée François Rivière, publiée chez Rivage, ça s'appelle Le Divin Chesterton. Philippe Garbi, Clément Daté, Assalem Béchour, Virginie Mourtet, et bien très bonne journée à toutes et à tous, et toutes ces émissions, tous ces entretiens seront à réécouter en ligne sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.